Donc, en quelques heures, il est 7h, 19h15, donc on peut voir ça en quelques secondes. Donc, nous parlons de Christ Victoire. Christ Victoire. Dis à vous, dites bonsoir Christ Victoire. Bonsoir Christ Victoire. C'est bienvenu Christ Victoire. Bienvenue Christ Victoire. Voilà, voilà mon Dieu. Regarde celle-là, elle peut aussi regarder quelque chose. Alors, c'est lui qui vient regarder. Christ Victoire. Mais celui qui a décidé qu'il va venir, il a signé derrière moi depuis une semaine, depuis deux semaines que je veux venir à son œuvre. Je veux venir à la radio avec toi. Dieu est avec toi. Et la plus bonne chose, c'est que dès que nous avons toujours, il raconte à ma femme, il appelle. Il vient, on a touché au lit, c'est mieux. Il dit, assieds-toi sur le lit et s'assoit. Il dit que plus pour moi, il dit c'est quoi? Il dit que rien ne nous plaît plus. Il dit que rien dans ce monde ne nous plaît plus. Il dit qu'il comprend pas ce qu'il veut avec. Il dit, moi, sinon, il va me familiariser. Que le processus a commencé. Il peut ne pas, il ne comprend pas seulement comment le Seigneur agit. Donc il commence à dire, rien ne me plaît, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et rien ne me plaît, il vient de pourquoi, il y a des intérêts. Il est dans le processus. Amen. Christ Victoire. Donc quand il allait voir ses. Quand il allait voir ses, son grand frère lui a dit que si tu es un fou, monsieur il a mouru, dis-nous. Bon, c'est pas le sujet. Le Seigneur c'est son chauffeur, lui. Que la grâce de la paix lui soit accordée aussi. Après, il vient d'arriver. C'est ça, on se passe après. C'est ça, non? Je pense à aller à l'autre fois. Que la paix, la grâce soit à ok. Donc, quand tu viens d'arriver, on va voir le sujet. Il faut donner le temps pour construire le temple de Dieu. C'est celui que nous allons passer. Au temps pour construire le temple de Dieu. Amen. Amen. Donc, commençons par dans 5 ans, puisque ce moment garder la peine, et sommes infiniment reconnaissants pour ce moment glorieux que tu nous apportes encore. Merci de nous avoir donné le temps pour ce moment-ci pour partager ta parole ce soir. Puisses-tu nous enseigner maintenant au travail de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère Élie, ça va? Amen. Donc, commençons notre lecture là, comme ça, sur le livre du titre. Donner l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Ça pourra passer. Dieu va commencer vite. Merci Père. Merci. Dieu voit. Et puis on va voir. Si la réponse ne finit pas aujourd'hui, on va continuer ça. Je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a en première partie. On avait parlé sur la mauvaise pensée, quelque chose comme ça. Oui, je ne pas que le Dieu va savoir comment travailler pour nous. Un autre enseignement, on parlait ici de péché, quelque chose comme ça, il y en a parlé, qu'il fallait qu'on parle un peu comme là-dessus. Mais ça, j'ai l'enseignement qu'on enseigne, mais ça veut dire qu'on a assez de temps assez bon. Quelque chose par rapport à Dieu contrôle tout le monde, quelque chose comme ça, il y a aussi quelque chose. Donc, voyons ce soir ce sujet intéressant. Ah, d'accord. Je vais voir chapitre 12. Le chapitre 12. Donner l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Tu es dans l'habitude, dis d'abord que tu vas dans la Bible. Donner l'offrande. Oui, donner l'offrande. Ou bien, nous poser cette question. Est-ce que nous donnons l'offrande pour la construction du temple de Dieu? Amen. Deux rois, chapitre 12. Nous allons voir. Si tu veux, on se les en tenue. Dieu est à partir du verset 1. Dieu voit le chapitre 12, à partir du verset 1, pour tout ce que vous y êtes. La septième année de Jéhu, Joas devint le roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tishba, et Béa-Sheva. Que la grâce et la paix également vont se multiplier. Les deux des hommes de l'autre peuvent s'entendre ensemble. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Vous savez, tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jehoiada. Seulement, les hauts yeux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts yeux. Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré, peut-être dans la côté de ces quatre. Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant coulé, savoir l'argent pour le rachat des personnes, d'après l'estimation qui en est faite, une double argent qui vient au cœur du pèlerin d'apporter à la maison de l'Éternel. Que les sacrificateurs me prennent chacun de la part des gens de sa connaissance et qu'ils l'emploient à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Verset 4, verset 5, vous regardez ça dans l'esprit. Mais il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Yehoiada et les autres sacrificateurs leur dit, pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. Verset 8. Les sacrificateurs convainquent de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas charger les réparations de la maison. Alors, verset 9, le sacrificateur Yehoiada prit un coffre, versa un jour dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil, ils mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait, sous les indices, vous avez vu, n'est-ce pas? Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il serait compté l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et on employait cet argent pour les charpentiers, pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les rachats des bois, et pour les achats des bois et des pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit point pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas des comptes aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage. Mais c'est ce que je dis, car ils agissaient avec probité. Car ils agissaient avec probité, avec honnêteté, si vous voulez. D'accord? L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation était pour apporter dans la maison de l'Éternel. Il était pour les sacrificateurs. Amen. Amen. Amen. Nous sommes du verset 1 au verset 16. Donc, ça c'est ici, tu le vois, je vous demande de retenir le verset 4 au verset 6, du combien? Dans ce livre des deux rois, nous voyons un sacrificateur, un roi qui vient sur le trône et il décide en balance des exactions qui sont commises dans la maison de Dieu, qui décide de mettre les choses en ordre et réparer la maison de l'Éternel. Alors c'est pour ça qu'il dit que ce soir nous allons voir le sujet. Donnez l'argent, c'est ça non? Donnez les offrandes pour la construction, pour la réparation de la maison de l'Éternel. Il faut qu'on fasse ces offrandes. Qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce qui arrivait là-bas? Le peuple s'était éloigné. Au fur et à mesure, il y a des intempéries, des choses, des brigands, avec des petites choses, des philistins et autres, la guerre, et puis ça s'est acheté détruit. C'est pas vrai. La maison qu'on avait construite, on faisait un point, deux ou huit, lorsque ça avait été inauguré, ça avait dit qu'il y a un problème de réparation. Alors, mais ça veut dire qu'il faut qu'on nous-mêmes nous construisons la maison des dieux. Oui, concernant la question de la première, c'est oui. Quand on voit les appels de la première, c'est 2017, oui. On dit que Dieu n'habite pas dans la maison, fait des mains. Je ne sais pas. Parce que vous dites, là, c'est le lieu où réside son nom. Je n'ai pas dit que c'est le nom qui habite. Parce que le temple, c'était un lieu où résidait un habitant. Comment on appelle ça? L'âge de l'alliance. Oui, mais c'est pas dit que c'est l'éternel qui a habité. Oui, ou le bêtis, chapitre 10. Le bêtis, Galon, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Oui. Ils mirent du feu, ils posèrent du parfum dessus. Ils approchèrent devant l'éternel du feu. Ils ont dit, où ça? Devant. Je suis où la prière? Devant. Parce que qui est ici? Continue. C'est qui ne veut avec pas. C'est qui ne veut avec toi oui. Alors je suis sorti du devant l'éternel. Il a dit, donc c'est lui qui te tient devant. Dieu était là où il était, mais c'est qui là-bas? Dieu était là où il était, là. Il était là. Donc il a été où? Là-bas. Comment ça tu es confus? Comment on dit le trône, c'est son lieu là. Bon, maintenant, on a dit qu'il était là-bas, non? Non, il est là. Quand il y a des gens qui dans le chêne, on tient le droit d'esprit, on tient le droit il est donc, partout, nous voir à son lieu là. Donc, il est ici. Voici le mot qui est le même. Le frère, vous avez fini avec. Vous avez fini. Je veux qu'on me réponde, parce qu'il a dit que je suis demande, je lui donne où tu as vu la telle endroit. Je peux la donner comme ça, ça. La terre lâche qui s'appelle, il y avait un milieu, c'est pas le milieu, c'est le milieu, c'est ça, non. Il y avait quoi là maintenant? Donc, de toute façon, le verset, même là, c'est le 10, verset 1, là, c'est clair. On est dit, le feu sorti du vent, il est là, c'est du vent. Donc, deux choses. Si tu me dis qu'il y a un ciel, ça veut dire que c'est le ciel par l'endroit par l'autre lui. C'est que ça pose un problème. Parce que depuis le déo, quand c'était déjà avec le brasier là, il était toujours devant l'éternel. On a dit qu'il a rentré dans la terre avec le devant l'éternel. Mais ça. Il n'y a pas l'avenir. Donc, il a tabernaclé là-bas, n'est-ce pas? Il a tabernaclé là, ça veut. Vous pensez que dans, sur la montagne, il était descendu? Sur la montagne, vous pensez que le Dieu du ciel est descendu sur la montagne? Il devait être commandement? Non, réponds-moi, ne trouve pas vos français. Le mot qu'il utilisait, c'est descendu. Est-ce que tu comprends? Si vous croyez qu'il était descendu, qu'il était posé, il est posé dans le monde dans la maison. La question, c'est est-ce qu'il était votre quoi? Est-ce qu'il est descendu? La parole dit qu'il était descendu. La même parole dit qu'il est descendu dans la nuit. Il parlait depuis le ciel. Qu'est-ce que tu en dis? Donc la parole dit clairement qu'il est descendu. La parole dit qu'il parlait depuis le ciel. Il ne parle pas de sa parole. Il ne parle pas de sa parole. Il marche sur la parole. Donc, nous voyons donc ce soir l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Dieu nous a donné notre responsabilité. Afin que nous construisons son temps, nous devons construire un bon temps. Si nous ne construisons pas le temps pour qu'on construise le temple, nous sommes totalement à côté de la plaque pour un grand temps, un édifice. D'accord? Il faut qu'on comprenne la volonté de Dieu. Et nous voyons effectivement ici comment Joas a pris, et c'est que ma dernière fois, voilà. Chacun de nous a un verre de tout. Faire une bouche de Dieu, vous êtes basé toujours au niveau là. Et si tu veux s'il y a une fois dans les filles, tu vas trouver sa vie pour la sortir. Le basé toujours. Mais il faut que nous offrions pour construire le temple de Dieu. Ça veut dire quoi? Si vous voulez dans la salle, il avait dit que la voie qu'Israël a suivie, c'est la même voie que l'Église a suivie. Avant de nommer le temple est désolé. D'accord? Donc, je vous garde la suspense, non. le temple de la nouvelle alliance, c'est quoi? Le corps. Est-ce que les chrétiens vont bien? Est-ce que les chrétiens vont bien? Non. Il y a une place, il y a pas de vie. Depuis que je n'ai pas vu, il n'y a pas de vie. Alors, nous avons besoin de l'offrande de notre vie, des offrandes de notre nécessité pour ces constructions-là. Voilà la nouvelle constitution. Dans le livre de Jean, chapitre 13, les versets 36 à 37, le Seigneur Jésus nous dit que je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a aimé, il a donné sa vie. Il s'est contrôlé au monde. Il sera ceci que tout ce contrôle que vous avez, d'ici vous avez l'amour au sein pour les autres. Bon, à partir de maintenant, vous pouvez commencer à noter, d'accord? Alors, quand le Seigneur Jésus dit cela, et le livre des 1 Jean va réitérer ça à plusieurs endroits, je vous donne un commandement, je ne pas que vous connaissez la vie, c'est que vous pouvez connaître la terre et le commencement, parce que c'est la même chose que le Seigneur a dit, et même le Seigneur, les autres. Dans le livre de Marc, au chapitre 12, dans le livre de Marc, au chapitre 12, c'est pour notre lecture, le verset 28 au verset 31, dans le livre de ces pharisiens, de ces pharisiens, des docteurs, de la langue, ils posent des questions sur Jésus-Christ. Il dit, mais quel est le plus grand commandement? Le Seigneur Jésus répond à Dieu. Et tu as bien répondu. Le Seigneur Jésus a donné ces deux commandements que nous tous nous connaissons. Et tous, sans exception, nous connaissons ces commandements. Il met le Dieu au malheur, tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit, et ses souhaits. Et bien, il dit, voici un autre commandement qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit que le Seigneur Jésus qui dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit dans ces versets 31. Les chefs de l'Église de marche plus 12. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que ce Dieu-là. Vous poursuivez. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que c'est Dieu-là. C'est Dieu commandement qui a ce Dieu. Tu aimeras le Seigneur tout ton cœur, tout ton âme, ton corps, tout tes pensées, et tu aimeras ton projet comme toi, pas les deux commandements. La autre première réitérée encore cela aussi dans le livre de Romains chapitre 13, verset 8 qui suivant. Tu aimeras ton projet. Il dit que tu ne voudras pas prendre les études, tu ne voudras pas ceci, et prendre ces deux commandements. C'est greffé, tu sais, mais qu'on a ceci et peut-être ne pas commander la chose. Donc, si on vous demande des choses, vous allez pouvoir commencer à saisir, et donc, voilà les deux commandements. Le Seigneur Jésus a dit dans sa bouche, dans cette marche chapitre 12, verset 31, il dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. La simple question, c'est craignons-nous Dieu? Parce que les gens disent que non, il ne faut pas nous faire face ici. Le problème, c'est que restons sur ces deux commandements et observons bien la profondeur. Lui ou non, nous observons. Puisqu'on dit que toute la loi dépend de ces deux commandements, toute la loi dépend de ces commandements-là. C'est là ça. Donc, prenez le commandement de l'un qui nous pied à notre niveau, non face à face, le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si il souffre, si quelqu'un veut souffrir, et que je dis que j'aime mon prochain comme moi-même, et que je ne peux pas l'aider à celui qui l'a souffert, et que j'ai la possibilité de le faire, il y a un problème avec moi. Même si je décide de bloquer les services, ça ne marche pas. Il faut l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il fait la salle de Corinthiens, je vois que ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Alors, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il le détruira lui-même. Fait à votre ce que tu viens raconter, n'est-ce pas? Vous savez comment on n'est-ce pas? Alors, si Dieu a dit qu'on offre quelque chose, prenons cela dans le livre de Romains chapitre 12, disons Romains chapitre 12. Ah, c'est une des douzièmes chapitres, alors c'est la fondation là. De ça, 2 Rois chapitre 12, Romains chapitre 12. On va y venir. L'offrande pour la construction du temple. Ça veut dire qu'on a un dimanche, puis on a prié comme ça, on a il y a un moment, il y a un homme qui était là, on a prié instantanément pour elle. La chose qui était dans son corps est sortie, subitement sur son nom, les ouvertures sont ouvertes, sa main, elle s'est tournée, il y avait des choses ouvertes, des sorties, ça veut dire que, frère, qu'est-ce qu'il y a aussi ma main? Ma femme qui demande, il n'y a pas ça tout à l'heure, il n'y a pas ça sous la main, c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti, voilà, comme ça, voilà, subitement. Bon, là, je viens de vous dire ici, il n'y a pas le temps de dire, c'est les choses que Dieu fait. L'homme vient dans les temps, il y a une demande. Que la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ continue à se manifester. Donc, regardez, suivez attentivement ici. Regardez. On est là. Oui, je vais devenir un petit verset, mais disons doucement. Que la charité soit sans. Vraiment. Que la charité soit sans. Hypocrisie. Hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Mais nous sommes ici pour regarder les socles, même de ces commandements-là, ils vont tout ce qui nous aide, nous donne ce commandement-là, comment avancer vers ce temple-là. Et bien, il est un commandement. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. Comment on peut être plein d'affection quand on ne souffre que tout le monde? C'est possible que ça peut être. C'est possible. C'est-à-dire que je dis que j'ai plein d'affection pour toi, mais tu as des souffrir, je suis dans la prudence. C'est bon? Oui, vous avez aussi dit, par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Vous avez vu? Par honneur, usez des prévenances réciproques. Il est du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. On avance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affection. Ça ne va pas bien. Soyez patient dedans. Mais le chrétien, on dit que c'est notre de douleur qui peut les connaître rapidement. La même des cas qui sont les douleurs. Soyez patient dedans. Soyez patient dans l'affection. Dans l'affection, soyez patient. Pourquoi? Parce que l'affection est utilisée par Dieu pour traverser les choses de nos vies, n'est-ce pas? Maintenant, persévérer dans la prière, sur les commandements, mais on arrive exactement où l'on va venir. Regardez bien, non, dans le verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Vous avez ça? C'est dans votre livre. Je pose une question. Ici, c'est un commandement, oui ou non? Regarde, ton voisin, tu lui présentes la Bible. La Bible déclare tout ce pouvoir aux besoins des saints. Oui, vous avez dit, n'est-ce pas? Exercer l'hospitalité. Ce seul verset a deux commandements. Ce seul verset. Comment nous sommes sous la grâce? Vous avez vu, non? Nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. La loi de la grâce a amplifié la loi de la loi. Exercer l'hospitalité. La Bible ajoute dans le livre de Prime que ça diminue. Dans Philippiens chapitre 4, verset 23, il dit que sans murmure, que tu vas partir d'ici quand même. Tu vas dire ici après chez moi. Bon, c'est terrible ce qui arrive à mon côté. Maintenant, lorsque Dieu a des discours, on prend une position de temps. Alors, la même façon, comme Josias a vu que la maison de Dieu était isolée et que ça ne fonctionnait pas comme ça devait fonctionner, il a pris à cœur de réparer, vraiment à cœur. Et réparer le temple du Seigneur. Dans quelle sens ça veut dire? Vous êtes d'accord avec moi? Prenons à cœur et réparer le temple du Seigneur. Chaque fois que nous avons raté ces choses, ces principes-ci, c'est le Seigneur dont nous battons. Souvenez-vous, on va dire merci, le Seigneur me permet, on va sinon, lui, c'est moi, c'était les mêmes. Vous les connaissez avant, vous les connaissez partout dans votre vie. Vous les connaissez bien. C'est là. Maintenant, il dit, souvenez-vous, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints. Donc les saints ont des besoins. Il faut pouvoir. Mais c'est un commandement de nouveau pour vous. Vous voyez aux besoins des saints. Joseph était le roi. Il y avait des sacrificateurs ici. Il y avait la population, il y avait le temple qui était venu déposer là-bas. Joseph a pris son initiative, il parlait, il fallait parler à son niveau. Il n'a pas pris que c'est plus à lui de donner parce qu'il est roi. Il fallait que tout le monde y participe. Quand tout le monde commence à participer, on commence à mettre le coffre fort. Les gens, elles sont en objet, en action, et qu'est-ce que tu as l'air. C'est ça, c'est pas ça le problème. Ça, n'est-ce pas? La Bible dit, vous voyez vos besoins, exercez l'hospitalité. J'espère que tout le monde va s'exercer l'hospitalité. L'avançons, réjouissons avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et nous, les mêmes sentiments, les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, on va réjouir toutes ces choses-ci, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Vous savez, un sac à vos propres yeux. Regardez bien, ce sont les commandements. Il y a une série de commandements comme nous, ce moment ici. Des séries de commandements pour les chrétiens. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant toutes les autres. Vous avez vu? Avant ça, c'est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Ne vous vengez pour vous-même, bien-aimé. Mais laissez-vous agir la colère. Car il écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi, on a tué dans le monde, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça. Si la soif, t'en es à boire, t'en as juste un ici, sans les charbons. Vous avez ça, frère? Chapitre de Tchadamo, chapitre de Tchadamo, c'est comme ça, vous avez besoin de vous sortir. Verset 8 et suivant. Chapitre de Tchadamo, verset 8 et suivant. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous, c'est le raisin des autres. Donc, c'est la seule dette, que la Bible prévoit, c'est la dette d'amour. Donc, regarde quelqu'un dans les yeux, fixe quelqu'un dans les yeux, tu viens suivre avec les manettes. Il dit, tu me dois l'amour. Tu me dois l'amour. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Dis que tu me dois l'amour. Tu me dois l'amour. Il ne devait nous à personne, sinon que nous les uns, les autres, rien d'autre. La seule idée des chrétiens, c'est l'amour. Tu comprends? Donc ici il dit, car celui qui aime les autres, regardez, a accompli la loi. Mais ne pas de parler. Il dit, celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous dites, non, j'aime tout le monde. Est-ce que tu aimes ton frère? Oui, j'aime tout le monde. Comment est-ce que tu sais que tu es? Tu l'aimes quoi? Comment tu peux me dire que tu es? Nous avons dit, bon, mais tu vois, on a les Jacques, j'avais dit Dieu. Jacques. Si quelqu'un a tous les jours, c'est un bruit, aider quelqu'un à trouver. Jacques, chapitre 2. Nous sommes un peu là. Oui, là. Souvenez-vous de trois choses doivent demeurer. La foi, l'amour et l'espérance. Les trois là, ça doit faire des soucis. La foi, l'amour, l'espérance sont indissociables. Si tu dis que j'ai l'amour, si tu as l'amour, et que tu n'as pas la foi, c'est là, si tu as des blagues, tu ne peux pas dire que j'ai l'amour, j'ai la foi, mais il manque seulement l'espérance. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas dire que j'ai l'espérance. Nous avons l'espérance en Jésus, tu as l'espérance en Jésus. Tu es sûr, mais est-ce que tu aimes ton voisin? Comme toi, dis-moi. Alors, tu n'as pas l'espérance. C'est ceux qui ont l'amour, ont la foi. Les sacrifices qui possèdent l'espérance. Les trois sont liés. Les trois sont liés. Nous devons avoir l'une sans avoir les deux autres. Sinon, vous vous trompez. Alors, c'est dans le chapitre de Jacques, il est à partir de verset 14. Mes frères, donc vous regardez bien cela. Dans le livre de Jacques, prenez attention chaque fois qu'il parle de mes frères. Au chapitre 1, verset 2, il va commencer par mes frères. Au chapitre 2, verset 1, il a commencé mes frères. Au chapitre 3, il a commencé par mes frères. Donc, c'est pourquoi je ne dis pas que l'on va s'adresser au monde. C'est aux chrétiens qui s'adresse. Donc, mes frères. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Qu'est-ce que l'apôtre Jean me dit? Tu me dis, tu as la foi. Oui. Boum. C'est ce que Jean me dit. Tu as la foi. Oui, j'ai la foi. Tu as la foi, oui, tu as la foi. Jésus, il est tout puissant, il est tout puissant. Tu me demandes, tu crois vraiment lui. C'est vrai que ça fait dans un autre jour, tu as prié, tu ne marche pas, c'est parce qu'il ne marche pas. Ah, je crois peut-être que tu crois que Jésus était tout puissant. Je ne sais pas ce qu'il ne marche pas. Donc, maintenant, la parole du bien est dit, quand je dis ce que tu viens de dire de côté. Donc, un temps, on a la parole de confession, parce qu'on a lu un verset de la Bible, on est exempté dans notre esprit, subitement. Quand on est dans notre vain humain, on confesse autre chose qui ne tue totalement et qui manque de conduire, c'est la mère. Alors, souvent, on ressent la foi intellectuelle, la foi livresque, la foi connaissance, pas la foi qui est la vraie foi. Souvent, c'est ça. Parce que voici ce que la foi dit. Voici ce que la vraie foi dit. Même si ça me conduit jusqu'à la mort, Christ est mon Seigneur. Voilà la vraie foi. Voici ce que la foi intellectuelle dit. Je sais, Seigneur, tu as guéri les malades, tu as guéri les aveugles, tu peux encore me guérir. Tu n'avais pas fait. Il ne peut pas le faire aujourd'hui. Alors maintenant, Seigneur, vraiment, ça fait longtemps qu'il peut sur ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu as compté de le départ? La confession change, montrant que ce n'était pas basé sur un ancre solide. Donc la foi intellectuelle est différente de la foi biblique. C'est pour ça que je te dis que la foi biblique, la foi vraie foi, tu ne peux pas avoir un savoir de Dieu. C'est pour ça que Jacques dit écrit ces choses si on ne se trompe pas, parce que vous allez voir effectivement, écoutez ce attentivement, les trois, l'amour, la foi et l'espérance sont contenus dans ces passages de l'homme de Jacques. Parce que c'est effectivement dit. Regardez bien. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alors, si vous avez la question, la foi peut-elle le sauver? C'est pour ça que cette question, ça ne s'est trompé qu'il est sauvé. Par contre, on a été trompé qui a l'espérance. C'est notre chose. Nous sommes sauvés, nous savons que nous avons l'espérance sur que Christ vient du pardon. Pas vrai. Et par conséquent, il n'y a pas l'amour vrai. S'il n'y a pas l'amour vrai, ça, on se condamne. La Bible déclare sinon tu consens, nous condamnons, nous juge, Dieu peut dans le monde du consens. C'est pas ce qu'il dit. Alors, il dit que cette fois-là, la personne va croire qu'elle est sauvée, mais qu'elle n'est pas. Parce qu'elle n'est pas la vraie femme. C'est la vraie femme, ça ne comprend pas les œuvres. Après, il donne l'exemple de ce qu'il veut dire. Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nuls et manquent de la nourriture de chaque jour, regardez le bon âme de critique. Nuls, il manque la nourriture de chaque jour. Et il est prêt que l'un de vous, d'entre vous, leur dise. Allez en paix, comme on dit soit bien aimé, oh, que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble mon frère, que la grâce soit sur toi. Il dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Vous avez sa foi? Donc il me dit, tu as la foi. Recevez-vous des romans de cette façon de voir pour voyez aux besoins de celle. Vous voyez aux besoins de celle. J'ai dit à la fois. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci. On a toujours quelque chose à donner. Ça, c'est l'une des choses que j'ai appris du Seigneur qui est merveilleux. Vous dites, souvenez-vous de cette femme-là, de cette femme de Luc chapitre 18 là. Je me disais, Luc chapitre 21, de cette pauvre qui mettait dans le but de l'argent. C'est tout ce qu'elle a fait ce soir. Elle peut penser que les riches donnent la conseil, ils donnent ma part. Est-ce que ça va aider à quoi pour la construction des temples? Mais le Seigneur dit que cette femme veuve-là, elle a tout, elle a donné le plus que c'est les autres gens, parce qu'ils ont besoin de l'être super. Donc on a toujours quelque chose à donner. Là, elle a donné deux, qu'est-ce qu'elle avait? Mais les autres ont besoin de l'être super, de les comptes en banque, ils ont pris ce qu'elle a juste donné. Ça change les gars ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que non seulement elle a donné ce qu'elle avait pour vivre, mais elle a donné en croyant que Dieu pourra pouvoir. Pour que quelqu'un donne tout ça, quelque chose à la c'est la dernière que tu peux avoir. Et donner à quelqu'un, pour essayer comme ça, c'est la foi. C'est la foi. C'est-à-dire que tu donnes, c'est ça, c'est le fond du corps. Vous dites, j'ai mes dernières 10 000 comme ça. Si les dons, il fait comment? Si le bailleur vient, il fait comment? Au fond, il y a des ouvertures, des témoignages, des centaines qui peuvent vous en donner par rapport à ma vie. C'est là que vous en savez. Quand vous êtes dans la position du manque, suivez pratiquement. Quand vous êtes dans la position du manque, c'est le meilleur moment pour donner de ce que vous avez. C'est le secret. Quand vous êtes dans la position du manque, ça veut dire que vous sentez que vous n'avez rien. C'est le meilleur moment de donner. Parce que quand vous donnez véritablement, vous donnez ce que vous avez de subsistance. Vous donnez ce qui reste pour vous. Quand vous avez en abondance, vous pouvez donner. Vous pouvez donner, c'est de l'argent, tout le monde peut donner, comme c'est riche ici. Le fait que les riches ont mis la balle, le Seigneur a dit comme ça, on n'a pas enlevé ça, vous l'avez donné. C'est quand même avancé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de récompense là-dessus. C'est ce que ça me dit, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez les deux scénarios qui se trouvent là-bas. Voilà le tronc d'argent de cette femme-là qui a mis ces deux pièces. Le Seigneur est Dieu, c'est lui qui rend à chacun selon ses œuvres. Il vient de donner la sentence là-bas. Celle-ci a donné plus que les autres. Donc, si c'est pour le mettre en bénédiction, elle en met plus. C'est ça? Alors, la personne qui a donné 400 millions en baissant la preuve, moi j'ai donné 400 millions, elle a donné 1 800 en cause de quoi? Donc, c'est faire attention. Et je dis, le meilleur moment de donner, c'est quand vous pensez que vous n'avez pas. C'est un secret. En fait, vous regardez la Bible de la bonne manière, vous verrez que c'est ça. Le meilleur moment, la meilleure façon, le meilleur moment de donner. C'est le donner quand vous pensez que vous n'avez pas. Quand vous pensez que vous n'avez pas. C'est ça. Alors vous voyez, cette femme-là donne pour le Seigneur. Je pose la question. Imaginez cette femme. C'est là que vous voyez, vous avez une femme pauvre et elle veut. On a ces deux pièces. Mais tout ce qui a fait, c'est pour vivre. Vous entendez ça? Suivez un peu cette femme de s'arrêter là, avec lui. Et regardez ce qu'elle a perdu en nécessaire pour vivre. C'est ça, vous cherchez deux bois, tu peux juste donner gâteau aussi, donner ce qu'il y a là-bas. Après ce moment-là, on meurt. Elle dit, il ne peut pas faire une chatte, il est dans ma boîte que je mange. Elle est venue, elle dit, on te connaît celle-ci. Un enfant ici, même pas petit, elle mangeait des enfants comme ça. Elle allait toujours être là. Elle fait donc. On dit, c'est pas le Seigneur. Il manquera pour Dieu. C'est bon, vous observez sa preuve. Quand tu n'as pas le moment, le moment pour nous, il faut que l'incité soit en avance. Le moment le plus subtil, que vous pensez que vous n'avez pas, c'est le moment par l'étude pour nous. Souvenez-vous de la promesse qui est continuée dans le livre de Psaume chapitre 41. les quatre premières sections 41. Il dit que heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. Donc celui qui s'intéresse dans le pauvre, la Bible dit que heureux celui-là. La Bible va même plus loin dire que Dieu le protège de la sorcellerie seulement parce qu'il se protège, parce qu'il s'intéresse aux pauvres. La Bible dit que Dieu ne lit pas au bon plaisir des méchants. C'est ce que la Bible déclare. Pourquoi? Quand la Bible dit que quand il est son lit de malade, Dieu le soutient. Pourquoi? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Mais qu'est-ce que nous avons? Comme nous avons dans cet ancien testament, le frère est allé se vendre pour dire que peut-être le frère est allé dire qu'il y a l'argent pour construire le temple. Dieu n'habite pas la frère du monde. Bon, maintenant, souvenez-vous aussi. Tu vois, disons, tu vois le temple où tu as habité. Regarde le frère qui a habité toi. Il a pris une demeure. Là, on voit sur le sujet, n'est-ce pas? Donc, tu as donné le temple. Tu vas donner le frère pour sa construction. Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque les gens ont compris cette raison de l'ancien testament et le nouveau testament? On se focalise toujours sur ça. J'ai pris ce verset exprès. Parce que c'est ça qu'on parle dans les émotions pour dire qu'on est là pour une construction de charge. Là, les gens qui ont construit, les gens qui ont couvert, les gens qu'on ne nous donne pas de données. Or, Dieu a quitté les membres dans la réalité aujourd'hui. Nous sommes dans la réalité. Donc, paradoxalement, les gens sur qui on a investi sont mis d'écouter et puis on les investit encore dans les mêmes briques, les mêmes papiers. Et puis, je peux donc citer exactement cet acte dans votre prédiction de 7h et suivant, que Dieu n'a mis de point dans le temps de faire le même temps. Oui, vous dites, il n'habite point, pas de vol. Il n'a pas dit que Dieu n'a jamais habité, il a dit que Dieu n'habite point. Comment ça fait? Voilà, c'est la chose. Il n'a pas dit ça. Ça veut dire lui-même qui a éliminé le jour qui nous vient après, puisqu'il a dit quoi donc? Dieu habiterait-il? Il a dit Dieu habiterait-il? Dans le temps, il fait le même nom. Voici les cieux et ses nombreux contenus. Il a compris quelque chose dans le papa. Il a compris que là, il a réalisé une prophétie en tant que prophète. Il a compris tout simplement. Le désir de Dieu de tabernacler au milieu des hommes. Le désir de Dieu de tabernacler au milieu des hommes. Puis à l'intérieur des hommes. D'épuiser ce temple-ci et de le bâtir en 3 jours. Quoi? Il n'a pas 46 ans pour bâtir ce temple-ci. Ça veut dire qu'il fallait le temple de son corps. Vous voyez ça, frère? Donc, le temple de Dieu doit être bâti. Nous avons la responsabilité de participer à sa construction. Si nous participons de la bonne façon, de la bonne manière, pas seulement pour eux, mais même pour les autres, parce que c'est un parallèle comme ça, c'est un carrefour où on s'occupe en même temps des frères, en même temps des ennemis, même ceux qui ne croient pas. Parce que dans cette parabole, dans cette minute, il dit tu aimeras ton prochain. Ton prochain peut être celui qui ne t'aime pas. Ton prochain peut être celui qui n'a même pas de relation avec toi, qui ne voudra même pas te voir. Tu dois l'aimer. Mais ici, nous parlons de la construction du temple des dieux. Là, je tourne du côté chrétien. Et voir maintenant, est-ce que l'amour est manifesté, la foi est manifestée par les œuvres, comme nous l'avons déjà entendu parler, c'est fatalement non pas vrai. Il y a quelque chose à payer, on ne paye pas le temps pour nous faire. Qu'avons-nous donc à offrir chacun pour son corps? Vous devez comprendre que Dieu vous attend ici, à cette ligne droite. Souvenez-vous de ce Jean chapitre 13 que j'ai cité aujourd'hui, c'est 36-37. Il dit que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand il nous a aimé, il a prouvé. Mais dans ces gens, chapitre 13, verset 1, il déclare que quand je sais l'aimer le jour de Père le veille, le soir étant venu, quand c'est déjà là-bas, il dit ayant aimé ses disciples, et oh, c'est merveilleux ça. On dit que on les a fait de Père de Jésus, que lui était amené de quitter, de se mettre pour le faire, et ayant aimé ses disciples, ceux qui étaient dans le monde, il nous le comble à son amour pour eux. C'est ce qu'il écrit, frère. Il nous le comble à son amour. Il se met de la table. Le marqué est. Il prenait le comble à son amour en restant comme ça. Il dit tellement. Frère, il est jusqu'à là. Ah, c'est pas ça. Il s'est levé. Qui était encore le cadre du Fils de Dieu. Renaissant encore pour la présenter pour nettoyer les pieds. C'est pour ça qu'il faut le plaisir que je disais. Tu n'as pas le nettoyer les pieds. Tu descends sur ce niveau comme ça. La Bible dit que c'est le geste humain. Il le comble à son amour pour eux. C'est de la pluie de serviettes, il a laissé le bien laver le pied. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'amour est prouvé. L'amour est prouvé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça? Donner sa vie, sa vie, sa vie. Cette femme-ci a donné tout ce qu'elle avait nécessaire pour vivre. Elle a donné de sa vie. Vous attendez ça, frère? Alors qu'avons-nous comme subsistance? Qu'avons-nous comme subsistance? Si vous avez des choses que vous stockez en présage, en prévoyance, en prévoyance, c'est un grand danger. Si, quand le chrétien va arriver au niveau de ton âme, si, alors les actes des apôtres peuvent commencer à fonctionner en vrai. Parce que les actes des apôtres nous montrent ces trois phases. L'amour, la foi manifestée, les œuvres qui en suivent. Ça nous manifeste. Ça les accaparait pas. Quand les gens s'accaparaient, le Saint-Esprit frappait. Vrai, frère, est-ce que le Saint-Esprit va dans les actes des apôtres? Actes, comment les apôtres ont agi. La foi était manifestée par les œuvres. Le témoignage de l'Esprit vivant du Seigneur Jésus-Christ était là, par le Saint-Esprit. Il a vu cette foi-là. Qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens s'accaparaient-ils de leurs œuvres, de leurs possessions? Les gens gardaient-ils leurs possessions? Non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient le sujet. Pour faire quoi? Dissimuler. Aujourd'hui, le chrétien mondial maintenant, c'est quoi? S'accaparer. Qu'est-ce qui est arrivé? On a focalisé notre attention sur la réussite au style mondial. Sur la réussite, avec les projets, les standards du monde, le fonctionnement du monde. On a quitté la boussole. On a quitté la boussole. On a quitté la boussole qui nous orientait vers notre étoile. On a suivi l'étoile, on a quitté l'étoile pour aller vers Hérode. Pour aller vers Hérode. Et là, l'étoile a disparu. Nous allons continuer dans la religion. Ça ne va pas vers Hérode, on va voir l'esprit. On a quitté la boussole. La boussole, c'est la force, le fonctionnement des apôtres. Quelle était la force des premiers disciples? La force était tout simplement qu'ils marchaient dans l'amour. Personne ne nous a dit que ceci nous mettait encore. Tous étaient communs entre tous. C'est ce qui écrit frère. Dites-moi comment ces personnes ont prié, ce sera se manifester. Il faut vous expliquer. Alors, le deuxième commandement nous arrête. Nous, si on était un commandement, ce commandement nous arrête. Nous sommes en état d'arrestation face au deuxième commandement. Nous sommes en état d'arrestation face au deuxième commandement. Nous n'aimons pas notre prochain. Je peux pas passer deux jours à développer ce deuxième commandement. Et on se pose des questions et on répond à ces questions. C'est la religion qui dit verset 14 que mais j'ai la foi, sinon pas les yeux. Ok, je n'appelle pas un exemple simple. Terre à terre, tout c'est la vie de la foi, c'est la vie quotidienne. Et si un frère ou une soeur a manqué de la nourriture et des vêtements, et que vous dites que dans l'année, que vous allez vous bénir, et que vous lui devez passer à quoi il va manger, bien c'est quoi de métier. Pensez-vous que voilà vous sauver, c'est la question qui nous a posé. Nous devons répondre à cela. Nous devons répondre à cela. Jean, un jour j'ai plus de choix. Donner une offrande pour la construction du temple de Dieu. Vous devez donner cette offrande. Tu dois donner une offrande pour la construction du temple de Dieu. N'allez jamais dire que vous dites, le temple de Dieu est au bout, vous savez où le temple de Dieu se trouve. Vous savez où est le temple de Dieu. Vous savez c'est quel temple de Dieu. Vous ne pouvez pas fuir votre conscience. Et en fait, fuir votre conscience, vous l'avez rencontré Dieu. Souvenez-vous, il y a à chacun selon ses œuvres. C'est pour ça que dans ce livre, des Colossiens chapitre 3, le verset 23 au verset, il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur en au Seigneur. Selon que chacun recevra le Seigneur, selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Vous avez suivi ça? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, sachant que chacun recevra. Oh, c'est terrible. Alors, selon dit que nous avons un rôle à jouer. Le Seigneur compte sur nous. Là, le temple de Dieu s'est cassé, on dit que je regarde là par l'emploi de l'argent qui est rentré pour faire des bassins, des couchers de l'eau. Ça veut dire que c'est comme ça, Dieu voyait, il est changé. Où est-ce qu'il y a le frère? Juste que quelqu'un prend l'engagement de le faire. Est-ce que nous voulons prendre ces choses du Seigneur à cœur? Est-ce que nous voulons prendre ces choses du Seigneur à cœur? Ok. On va essayer, c'est pas, on va voir. Faites un peu de choix. On avance ici. Si on me pose une question maintenant, est-ce que tu aimes tel frère? Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Je ne déteste pas. Parce que tu aimes celle-là. On me dit amen. Frère, tu l'aimes. C'est Christ victoire, ça fait Christ victoire. Tu ne le connais pas. Mais c'est la signe de la commune. Tu as une Christ victoire. Non. Jamais. Non. Je l'ai encore. Comme tu vois, nous tu l'aimes. Et là, tu meurs. Donc, tu l'aimes comme tu meurs. même si tu aimes tous les êtres humains. Mais frère, tu aimes tous les êtres humains. On peut passer là au milieu de la semaine, Dieu est sur le clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il nous comble en son amour pour peu dans la vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Même dans le mariage, ouais, il donne même si vous avez cet agent en signe de mon amour, même inconsciemment, on le dit. On fait encore ça, on n'achète pas acheter des fleurs, des chéris, des dons. Pour parce qu'on cherche, il y a quelque chose là, c'est des bonnes, on cherche à faire manifester. Vous savez, on les achète avec le fleur. Tu vois. Et si tu n'aimes pas ça, tu fais comment? Est-ce que tu as vu d'accord que je te déteste? C'est le problème. Si souffre, tu as quelque chose pas ça, tu le détestes. Tu n'as pas besoin de dire que je te déteste, hein. Le fait que tu n'aimes pas vraiment de Dieu, parce que tu souviens qu'il là. Qui ne pourrait pas faire. Alors, verset 15. Quiconque fait son frère et père, regardez comme on a voir. Vous avez entendu ça? Donc, au lieu que nous aimons en deuxième commandement, comme en obéissant au deuxième commandement, la mariée d'entre nous sommes les meurtriers. Et vous comprenez donc pourquoi nous sommes disant qu'on ne pourra pas par conséquent avoir l'espérance. Parce que le contraire, nous sommes même dans le c'est l'amour. Et par conséquent, ce qui a l'amour, c'est l'espérance. Si c'est la reine qui est là-bas, c'est qui est pour la promesse, c'est la mort. Et il dit que, et vous savez qu'aucun, meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. C'est pour cela que c'est la mort éternelle qui a été manifestée par la reine. Il dit, ce n'est pas le fait que il dit que je te déteste. Non. C'est une dame. Observez Judas. Vous pensez que Judas aime le Seigneur? Judas est arrivé. Pensez que l'aime le Seigneur. Vous savez qu'elle est assise là, dans cette maison, dans le livre de Jean chapitre 12, verset 1 et suivant. Cette femme-là verse le parfait sur le pied de Jésus. Elle dit, oh, celui qui est sur l'engagement, vous voyez, verse. À quoi vous le versez, c'est parfait là. Vous le versez à 300 à 400 ans. On lui achète des choses au pauvre avec. C'est ça, frère. Le pauvre. La Bible déclare qu'ils disent la langue qu'il avait, mais pour en peine. Mais quand étant le trésorier, il prenait ce qu'on lui mettait. Donc il disait, c'était le pauvre et le Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme-là, c'est le verset. Judas l'extérieur. Bon, remarquez, jamais il n'a pas dit que le Seigneur te déteste. Il n'a pas dit que le pauvre te déteste. Mais le témoin qui est dans son cœur par rapport à ses paroles montre qu'il déteste les trois. Et regardez là où ça va conduire. On dit qu'il pouvait, on dit clairement qu'il pouvait. Vous est ce qui était là-bas. Parce que nous, la Bible ne dit pas que je déteste le Seigneur. Il dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons commis l'amour en ce qu'il. Vous avez vu ça? Voici la preuve qu'il nous a donné. Voici la preuve que nous avons l'amour. Qu'il a donné sa vie pour nous. Vous avez vu cela? Il nous a donné la foi. C'est ça ce que je dis à les êtres humains ici. Vous voulez qu'on construise le temple? Il nous avait mis là de quoi? Regardez ce que le verset qu'on fait dans le verset 16. Nous aussi, nous pouvons donner notre vie pour les frères. C'est ce qui est écrit. Nous devons. De qui parle? Nous devons. C'est un moment, nous devons. La question c'est, son nom là est là. Nous devons. Il dit que nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné. Donc c'est la preuve qu'il nous a aimé. Là, Dieu s'est dit. Dieu prouve son amour. Dieu prouve, dans ce livre de Romains chapitre 5, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs dans le coupable, Christ est mort pour nous. Il y a donc la preuve, la signature de son amour est la preuve, le sacrifice de Christ Jésus. Après, il dit dans ce verset, c'est que nous devons aussi. Nous aussi, nous aussi. Donc, et selon le verset, Jean chapitre 13, qui est aujourd'hui, verset 36 et 37, c'est un Christ qui dit que nous devons commandement de nous. Et nous, le verset, nous sommes comme je vous ai aimé. Donc, je vous ai aimé, je vais vous prouver. Alors, si vous aimez aussi, vous prouvez. Il dit ici, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est ça? Nous devons aussi donner notre vie. Nous aussi, nous devons donner notre vie les frères. Vous avez vu ça? Comment donc donner votre vie pour les frères? Comment donc, comment doit être le moment de ta vie? Il va nous parler d'aller à la croix. Mais là, c'est pas ce que c'est. Si on veut tuer quelqu'un, c'est moi, tuer moi aussi. Pour pourquoi? Mais c'est pas ça que je t'avais dit. Le verset suivant nous aura les esprits, pas les méchants. Regardez. Si quelqu'un, regardez bien, c'est pourquoi il n'y a pas d'ambiguïté que je m'avais mouru pour maman de l'eau, moi, m'a mouru pour pouvoir lui dire, c'est pas ça. Et nous devons donner notre vie, c'est qui doit donner notre propre vie pour les frères. Nous ne devons pas mourir comme lui. Parce que c'est le service suprême qu'il a donné. Personne ne veut se sacrifier. Là, il dit, moi, donnez ce que vos vies dépendent. Donnez à vos frères pour voir pour les besoins de ces frères. C'est le détail même que mon mot s'en est tout simplement. Il dit, ce dont ta vie dépend, donnez aussi aux frères. Pour qu'ils participent à ça. Il semble que tu as peiné, tu as commis la chose pour eux. C'est à cela que ça commence. En fait, le verset suivant dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde, pour que le Saint-Esprit le dise, il a parlé un peu plus clairement pour qu'on sache qu'il parle de l'église, il parle du bien matériel, il s'agit du bien matériel. Donc, le chrétien sur la terre doit partager ses biens matériels avec son frère qui est chrétien, parce que c'est son frère. Il dit, salut mon frère, salut ma soeur, on ne peut pas dormir chez toi. Il y a un vrai problème. Tu es bien encore ce délit. Quand le chrétien veut chercher le chrétien de dormir, il faut qu'on dise qu'il faut qu'on signale à la police. Sinon, tu veux que ce soit duré. Tu m'as envoyé ta soirée et passer. Il dit, frère, on peut causer de nouveau longtemps à distance. On peut causer sur Skype à distance. Mais personne ne peut accepter que je vais dormir chez lui comme ça. Pourquoi? Première chose, j'ai beaucoup de dettes. J'ai beaucoup des impôts que je perds. Je ne peux pas me donner ta bouche. Or, si c'était le frère et le sœur de la bonne manière de Christ Jésus, viens mon frère, viens dans ta maison. Si on a un euro, nous allons partager nous deux. C'est pas ça, frère? Voilà le mariage de véritable amour pour celui qui aime. Et il y a quoi? Il y a un seul plan pour le temps pour mes enfants. Ça veut dire qu'il y avait la plan de Élie, il y avait aussi Élie avant de finir, il est tombé dans le passé, la maison ne le faisait pas. Il dit que non, Élie, tu as raté la personne, descend, ça va être un bis là-bas. Il dit que si nous possédons, regardez le verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde, les biens du monde, il a précisé. Donc, il s'agit pas du peuple, c'est que spirituel, il dit que mon frère, Jésus, il tombe dans le nom de Jésus. Vous voulez le nom, je tombe dans le nom de Jésus. Qui tombe dans le nom de Jésus, il dit Amen, ça ne rentre plus dans le ventre. Tu vois, frère. Donc, c'est vrai que la maladie est cachée sur lui. Quand tu dis je t'aime, tu peux faire ça marche. Là, il m'a dit, c'est pas une manière. Par le temps, c'est sorti, il m'a dit, je vais te le seul de pays. Il ne sait pas ce que tu vas faire. Tu entends ça? Quelqu'un vient à côté de toi, tu l'emboules avec toi, tu l'emboules avec toi, puis tu ne pas. Nous, si nous n'avons pas duré, parce que ça nous oublie dans la maison. Ici, il est interdit, il n'a pas bougé, il n'a pas bougé. Un dernier fois, il a besoin de crépus, ça fait longtemps, il n'est pas mangé. Là, c'est ça, mais c'est tu tout la bouche, tu n'as pas compris, tu as un moment de conversation. Lui aussi, il est là, il s'est dit que. Comment t'as mangé comme ça? Il me fait, tu sais ce que le film ne bouge pas là-bas. Moi, je sors, on se dit que, merde, tu as vu le film de Jésus Nazareth hier. Vous jouez des conversations comme ça, parce qu'on est dans le plan de bonté. Et si quelqu'un possède le bien du monde, le verset continue en disant, et que voyage son frère, et que vous voyez, c'est notre responsabilité de voir nos frères dans la maison. Et si quelqu'un possède le bien du seul du monde, et que voyage son frère, voyant son frère, c'est pour ça que si tu as vu, si tu as pris nom, tu as pris connaissance, tu n'as pas de justification devant Dieu. Tu es fichier. Et que voyant son frère dans le besoin. Et regardez, la verset dit, et lui ferme ses entrailles. Et lui ferme ses entrailles. Après, il pose la question. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Où est-ce qu'il lui dit d'aller pas? Les trois sont de la foi, l'amour et l'espérance. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, c'est que ce qu'on a parlé de ton pays, c'est le christianisme par confession là-bas. Le christianisme par celui-ci. Vous allez voir, on est chrétien, je suis chrétien. Le vrai chrétien est connu par son amour. Pas son amour. Pourquoi? Parce que si la nature de Christ est en nous, vous allez voir chaque fois qu'il déclare, même les gens qui insultent le Seigneur Jésus-Christ. Quand il mangeait trois jours sur fait, c'est tout comme ça, il est comme ça. Il a la compassion. Il faut qu'il mange. Donnez-le à manger. On va tuer le corps de l'ennemi. Faites-le ta soeur par l'état de 5 ans. Faites-le quand il fait sortir le corps de l'ennemi. Donc, si tu veux, on ne va plus venir à manger. Vous allez manger les mêmes trois jours ensemble. Quelle compassion. Donc la Bible déclare dans ce verset 17, c'est que si quelqu'un possède, donc tu as. Et vous comprenez les versets, quand il dit ainsi, comme ça, parce que vous comprenez que quand la Bible dit ça, c'est parce que tu as Dieu, c'est que tu as, même si tu ne le sais pas. si quelqu'un possède le bien du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, quand il ferme ses portes, vous comprenez, lui ferme ses entrailles, les entrailles de la miséricorde du Dieu, selon lequel le soleil vivant nous a visité. Lui ferme ses entrailles, pas le ventre si le cœur est bloqué, il refuse de voir la compassion. Lui ferme ses entrailles. C'est ça qui se pose la question. Comment l'amour? C'est des conjoints dit, comment peux-tu dire que tu es créé? Comment peux-tu dire que tu es disciple? Puisque lui, il a dit, c'est à ceci que tout se recompte. Vous êtes mère d'ici. Tu dis, je suis disciple de Jésus-Christ. Mais la Bible dit que tu ne peux pas comprendre. Construction du temple de Dieu. Donnons l'offrande pour la construction du temple de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donnons l'offrande pour la construction du temple. C'est une responsabilité. Vous voulez que nous soyons là-bas. Nous devons pourvoyer. Je veux que vous le compreniez. Que c'est une instruction, un commandement de la part du Seigneur. Vous entendez ça? Nous devons pouvoir. Vos besoins, petite. C'est une idée, j'en ai pas fini. C'est un genre, d'aller dans la là-bas. Regardez ça. Vous voyez, d'aller dans la continue avec Dieu. Regardez, il commence à prendre ce message, c'est. Il dit que si quelqu'un possède le bien du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui fait ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas la suite, mais c'est 18 frères, regardez. Comment on va le dire? Par la suite, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Voilà. Donc, tout le monde peut être à côté de toi, tu s'en vas dans les yeux. Dis frère, la parole de Dieu. La parole de ce que tu appelles Dieu. La parole de ce que tu appelles Dieu. Dis que tu cesses de dire je t'aime. Tu cesses de dire je t'aime. Quand les gens disent il dit que mes petits enfants ne me pas en parole, mais pas l'action est vérité. C'est ce qu'il a dit. Après, qu'est-ce qu'il dit? Par là, dis-moi, je ne veux pas comprendre, parce que si vous parlez de la Bible, il y en a plein, la Bible, sans la vérité, ça ne vous construit pas tout. Il dit que si nous amenons en action la vérité, il dit que par là, de cette façon, nous aurons de l'assurance devant le gouvernement, n'est-ce pas? Nous aurons de l'assurance devant le gouvernement qui parle de Dieu. Nous aurons de l'assurance. Par là, allons-y. Nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Stop. Donc, si nous n'avons pas en action la vérité, par là aussi, nous connaissons que nous sommes en vérité. Nous ne connaissons pas la vérité, c'est la vérité. Nous sommes. Parce que quand on dit la vérité, c'est une personne, mais tout le monde est fait. Parce que quand on dit que nous ne sommes pas de la vérité, on peut dire que nous sommes neige. Nous ne sommes pas de la vérité, nous sommes du mensonge. Ça là. Ça dit que tu es chrétien, mais prouve. Si vous ne savez pas que tu es humain, je suis humain du monde, vous ne pouvez pas influencer, vous ne pouvez pas influencer, c'est pas ça. Influence une vie. Influence une vie. Influence une vie. Et que cette œuvre-là, que le somme ne voit pas, que Canada n'entend pas, que les n'entendent pas parler. Comment si tu es un philanthrope et que tu le faisais pour la gloire des hommes. Mais que ce soit par compassion, par la nature de Christ en nous, qui regarde le Christ en l'autre, souffrant dans la chair, la compassion. C'est comme ça. Si ce n'est pas vu des hommes, c'est l'action vue et sanctionnée comme juste devant le Seigneur. C'est ainsi. Et par là, quand ce n'est pas fini là, nous avons notre cœur et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Vous entendez ça? Donc si ton cœur balance de part et d'autre, ça veut dire que tu n'es pas ferme dans l'amour. Si ton amour n'est pas percé, n'est pas connu. Et car si notre cœur nous condamne, oui. Dieu est plus grand que notre cœur. Vous entendez ça? Donc si notre cœur nous condamne, je me pose la question simplement. Je veux que, en quelques secondes, passez votre film de vie chrétienne. Et voyez si vous avez restauré la vie de quelqu'un. Tout simplement. N'essayez pas de définir pour que quelqu'un de mauvais, c'est pas ça dans une émission. Vous n'avez pas les dons spirituels, c'est dons matériels, rien. C'est comme si quelqu'un possède les biens du monde. Saint-Esprit a dit ici là, frère, là, on parle du monde. Monde, c'est pas le monde spirituel. Et si quelqu'un possède Alors c'est le livre des Romains, nous devons nous chercher. C'est celui qui donne le face avec miséricorde. Celui qui exerce la liberté exerce avec joie. Donc tu donnes comme ça, tu te dis oui. Pas tu donnes comme ça, tu sais. Ça ne sert à rien. Tu dois te donner. Et il dit le même moment de donner. Je ne prends pas ça. C'est quand tu penses que tu n'as pas. C'est le même moment. Je vous dis, j'en ai des témoignages, des témoignages. Et quand tu fais de cette façon-là, la Bible, votre Bible, dit que tu, quand tu le fais, tu prêtes à l'Éternel qui va te rendre. Mais ne voyez pas cela comme le raccourci pour s'aimer et donner à Dieu pour Dieu de donner. Non. Regardez ça comme une mission, comme une obligation du Seigneur, comme un commandement du Seigneur. Et donner cela avec des intérêts. Si tu as fait de joie. Vous irez. Si tu as fait le temps, je vais lire le 6 ou 8. On y va. Laisse-moi le 6 ou 8. Regardez. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Cela, c'est quand même sérieux avec la Bible ici. La parole dit que cette parole est certaine. Et il dit que je continue à vous dire ces choses. Après, il dit quoi? Afin que ceux qui ont cru, donc c'est les gens qui ont cru, ils fassent quoi? Il dit qu'il est éternel. Il dit que cette parole est certaine. C'est authentique. Il dit, et je veux que tu affirmes ça. Dis ça devant les gens. Prêche cela. Afin pour que le but de prêcher, c'est cette parole-ci, de prêcher, c'est pour que ceux qui ont cru fassent prospérer. S'applique à pratiquer. Donc on va prendre le temps pour le faire. Pour que lorsque Christ vienne, que nous ayons une place à dire Seigneur, voici ce que j'ai fait. Si vous dites, quelle est ma place dans le corps que nous ne pouvons pas avoir, au moins il y a un commandement clair à restaurer. Restaurer les vies. Ça, vous ne pouvez pas manquer Dieu là-dedans. Vous ne pouvez pas manquer Dieu là-dedans. Souvenez vous laissez Matthieu chapitre 25. Vous ne pouvez pas manquer Dieu là-dedans. Et Dieu nous attend au courant. Il dit que cette parole est certaine et je veux que tu l'affirmes afin cela afin prêche cela afin si on prêche en plus de personnes que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Après il dit voilà ce qui est bon et utile. Vous avez ça fait? Vous avez vu? Qu'est-ce qui est bon et utile aux hommes? Voilà. C'est pour ça que la mise là appelle la croyance. Il dit tu as la foi puis pratique. Il a dit que quand on dit à tout le monde de pratiquer les bonnes œuvres, ça va aller, ce n'est pas son but. Puisqu'il a dit qu'il a pris, il pratique les bonnes œuvres, c'est ça qui va utiliser aux hommes. Qu'est-ce que le verset 14 dit maintenant? On va le verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Ça va être ça. Vous avez entendu? Il faut que les nôtres aussi, il parle en chrétien, les nôtres aussi, quand il dit les nôtres aussi, ça pose aussi quelque chose que normalement le monde fait. Le monde en descendant de l'autre là-bas, vous allez voir l'homme ici. Donc, vous allez voir ici. S'il faut que les nôtres apprennent, donc on a vous dit cela, on vous enseigne cela, vous apprenez à donner de vos subsistances. Amen. Au fond, donnons les offrandes pour la construction du temple de Dieu. Dans les dénominations du temps, les gens font des contributions. Il y a même des gens qui, depuis 30 ans, peut-être, font des contributions, ils ont commencé à nous mettre en contre. Parce qu'ils veulent que les gens veulent jouer là-dedans. Il y a de chaque jour de climatisation. Il faut le bureau de passer, il faut le carreau au sol. On les a contribué chaque année, parce que les comptes sont bloqués. On met de l'argent chaque année, on vient nous mourir, parce que si on a jamais versé là-bas, pourquoi ils nous font? Ils font comme ça pour construire les briques. Ils n'ont pas compris encore qu'on a quitté la loi, on a mis là sous la grâce. Et que cet argent qu'ils nous font, il fallait les vendre tout le monde là et regarder ceux pour qui c'est destiné. Commencer à distribuer, c'est. Donc ils sont dans l'Ancien Testament. Encore que même dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas le droit de le faire si ça avait été dans l'Ancien Testament. Ça c'est vraiment le temple, le temple de Jérusalem qui fallait bâtir ainsi. On va s'asseoir les synagogues de Satan. On a un problème. Devant nous, alors qu'on parle de que c'est une nécessité, une obligation, un commandement devant le Seigneur, que nous donnons de nos vies. Est-ce que nous comprenons que c'est une mission? Est-ce que je peux dire à quelqu'un donne maintenant de tout ton cœur, ton frère? Dans le fond pour la construction de l'âme de Dieu. Tu veux le dire à l'enfant? Est-ce que vous ne laissez pas répondre à plusieurs fois des gens à dire que cessez de dire je gagne, je gagne, je gagne, il faut qu'on le protège. parole ou pas là. Vous êtes d'accord avec moi? Ne soyez pas d'accord avec moi. Vous n'avez pas le choix d'être d'accord avec les Écritures. Parce qu'on a dit qu'ils vous disent que si vous avez cru, vous pouvez pratiquer. Donc, je... On dit que ça fait un bon retour pour vous. Frère, est-ce que le Père rêve, mais le rêve qui a pratique de bon Dieu? Parce qu'il a dit que si il y a un mauvais rêve, il va te protéger. N'est-ce pas que l'on dit? Prenez ces choses-là, sur le temps de faire. Donc, vous avez dit, ça ne donne pas, ça ne donne pas, tu veux que ça donne, c'est lui. Là, tu donnes ta propre subsistance, c'est ce qui est écrit dans ces livres, les âges plus de 50 000. Si tu donnes ta propre subsistance, tu crieras les blés, mais tu diras, me voici. Amen. Si tu donnes ta propre subsistance, tu donnes ton propre subsistance, c'est écrit. C'est écrit dans le livre. C'est nous qui avons grandi en Dieu. C'est nous qui avons grandi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Psaume 41, regardez. Heureux, vous êtes dans Psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Vous avez moi. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Même si tu t'intéresses aux pauvres, mais il dit pas que tu es heureux. Après, dit, tu veux dire que c'est vrai. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, littéralement, il dit. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si tu vois quelqu'un qui est pauvre, et selon nous, vous avez dit cela, quand la Bible parlait de vendre les choses pour donner à la pauvre, comme il dit pour la porte, juste à l'escalier ici, le Seigneur Jésus a dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous serez toujours là. Et la Bible dit que ne rit pas du malheur, parce que je ne sais pas encore le lendemain qu'on se dit, donc, si quelqu'un est malheureux aujourd'hui, tu te montres, tu sais pas ce qu'il y a avec nous. On a vu dans l'expérience de la vie des gens qui étaient totalement confus, des gens qui ne pouvaient pas révéler même son semblant comme étant son semblant. Mais quand même, c'est un clair mais une seule situation arrive, il veut fugir avec toute sa richesse, et personne il ne regarde que la seule solution comme étant la pendaison. Pour aller se donner la mort, parce qu'il ne peut plus regarder les gens qui regardent avec du dain. Ça dit quoi? Tu es en haut, plus tu es en haut, plus la chute est rocambolesque, est terrible. Donc si tu es en haut, tu ne peux pas manger aujourd'hui, tu ne sais pas comment le mieux. Comme c'est que le lendemain va rencontrer. La personne que tu peux mépriser peut être tout le monde au-dessus et que tu n'auras pas que les larmes de les yeux pleurer par rapport à ce qui est encore venu dans le monde, parce que le manque en reste. Alors la Bible dit que heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est-à-dire Dieu met le pauvre là-bas pour pouvoir nous bénir. Dieu met le pauvre pour pouvoir nous bénir. Vous savez ça? C'est ce que Dieu a dit. Il dit, ça veut dire bénir-moi. Bénis-moi, mais c'est pas vrai. Le pauvre était de l'autre, mais la roue du pauvre. Depuis, il marche plus haut. Les gens crient sur pied, mais il a des blessures sur pied à cause de toi. Depuis, il crie que Seigneur, la roue, la rouge. T'as mis du mort. Tu ne veux pas, c'est la rouge, et il va être la partie, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oui, ça, c'est une prière. Seigneur, telle maladie, telle maladie, telle maladie, je sais, moi, je vais regarder ce qu'il faut dire aussi. Heureux celui qui s'intéresse au pauvre. Au jour du malheur. Aujourd'hui, dans le malheur, même les pauvres que tu peux avoir, même les pauvres possibles, les pauvres que tu as dit, aujourd'hui, le malheur. Je dis que la clé pour qu'ils s'intéressent aussi à toi, c'est qu'ils t'intéressent aux pauvres. Nous allons lire quelques passages dans cette saison. Regardez, aujourd'hui, le malheur, le Seigneur, quoi, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est vrai pour pauvres. Regardez, il est heureux sur la terre. C'est ça. Ça sont les principes de vie que quand tu commences à vivre, en fait, quand tu regardes sur le plan humain, avec le standard humain, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que ce que tu as, tu vois, tu donnes aux gens. Voici la vraie vie de foi, c'est-à-dire que tu donnes, tu comptes sur le Seigneur. D'aller le monde avant, nous avons le Proverbe, chapitre 19. Vous êtes tous ensemble. Vous êtes tous ensemble. Il dit Proverbe. Nous sommes dans la vie des sommes. Nous sommes dans la vie des sommes. Proverbe chapitre 19. Il dit verset 17 pour vous expliquer. Il est écrit dans mon verset 17. Alors, ça sera le même chose pour vous. Celui qui a pitié du pauvre, prêt à l'éternel, il lui rendra selon son nœud. Vous avez ce qui est écrit? Vous avez suivi, non? Il dit verset 17. Du chapitre 19. Nous allons voir. Celui qui a pitié du pauvre, prêt à l'éternel. Donc, c'est pour ça que David, dans le passé, nous avons dit, le Seigneur s'intéresse au pauvre. Prenez le temps de lire le livre des gens au chapitre 32. lorsqu'il parle des bénédictions, il sort des antennes. Pourquoi on dit que les pauvres, c'est des sources de bénédictions, les prophètes comprennent cela. Ils comprennent. Il dit, la Bouchard dit que, il parle que, c'est en fait le problème qu'il arrive de venir par le côté des pauvres. Il dit que, quand il savait que ses antennes étaient bénédictions, c'est Jean qui dit ça, il savait. Il connaissait les sources. Il avait de l'argent, des biens en amour, il connaissait que les sources pour multiplier, c'est de nos pauvres. Il va pas faire encore lisser les autres, c'est déjà tu peux te changer. Donc maintenant ici, le quoi l'énigmeur dit que heureux celui, même ce qui est une idée, il est celui qui a pitié du pauvre prêt à l'éternel, qui lui rendra selon son œuvre. C'est pour dire quoi? Sinon Dieu lui a un commandement qui a dit d'aimer mieux sa personne. Donc Dieu ne peut pas dire voir. C'est par conséquence du fait. Il ne peut pas finir par ce monde-ci sans rendre, parce qu'il rend à chacun selon son œuvre. Dans le psaume 41, il répète ici qu'il est heureux sur la terre, c'est pas sur la terre. Tu fais ça sur la terre, tu as ça sur la terre. Bénédicte chapitre 25, verset 35, on va voir. Bénédicte chapitre 25, oh mon Dieu. On nous amène partout maintenant. Bénédicte, je crois que la personne dit non ou pas. On dit, c'est bien maintenant que c'est vraiment pour consulter l'église, n'est-ce pas? Si vous voulez la parler, après vous sortir. Tu vas côté pour dire, pas si c'est pas l'église. Ok. Le chapitre 25, c'est ce qui est du verset 35, c'est ça. Écoutez bien. Si ton frère devient pauvre, et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras des mains pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Vous avez vu ça? Explique. Dans les lignes, c'est le son de la suite. Donc, j'espère dire, allez demain dans ces versets. Si ton frère devient pauvre, Dieu prévoit qu'il y a des situations qui vont arriver quand ton frère peut devenir pauvre. Fais attention d'insulter un enfant de Dieu en disant que celui-ci est lâché, il ne t'aura pas, il ne va pas seulement manger. Il y a un commandement pour lui là-bas que celui qui ne mange pas, ne mange pas non plus. Il y a un enseignement pour lui. Mais fais attention pour les humains, parce qu'il a dit que exercer l'hospitalité sans murmure. Fais attention. Alors, parlons de la vie des gens. Si vous voulez vous laisser lui des. Ah, ça me tient là. Jean, j'avais quelque chose à dire. Après, avant le son. Avant le son. Même Jean, j'ai plus de son. Là. Prenez des coups de cette réunion, la petite vessie. Verset 13, l'année suivante. Allez voir. Chapitre 61 des gens, il dit à partir de verset 13 en descendant là. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, vous voyez ça? Donc, ce sont les choses que le Coran nous dit que si quelqu'un travaille chez toi, tu méprises son droit, son service n'est pas donné. Tu vois qu'on peut méprisé. Lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'est-ce qu'à faire quand Dieu se lève? Dieu se lève, le prophète c'est ça. Si vous lisez 1 de sa version, chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul dit que personne n'use du foot pour les affaires, parce que Dieu dit qu'il va aller toutes ces choses. C'est ce que le prophète a dit ici. Ça n'a pas changé. Verset 8, 14, dit qu'est-ce qu'à faire quand Dieu se lève? Donc ça veut dire que s'il avait fait ça, c'est qu'il ne veut pas résister, parce que Dieu avait la première raison de nous frapper comme il a fait quelque chose, c'est comme il dit. Donc s'il avait, s'il a médité la vie, jamais personne n'a travaillé chez lui, il n'a pas payé son salaire. Il s'est avec ça. Alors je me mets à 10 si Dieu ne veut pas. Donc ça veut dire qu'il était en règle avec ses racines dedans. Et quand je réponds sans lui châtier, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formé dans le sein matériel? Il dit, si j'ai refusé au peuple ce qu'il demandait. Vous avez vu ça? Il a décidé qu'à papa, il a pris le cas des gens qui travaillent chez lui. Ce qu'il me faisait pour quelqu'un, il se moule, il n'a pas rien dit. Il prend les pauvres. Il me faisait. Il est là à la femme de quelqu'un. Vous savez là. Verset 9 dit que s'il a laissé son cœur se séduire, s'il a tourné la main chez quelqu'un, vous voyez, s'il a convoqué la femme de quelqu'un, il dit que sa femme tourne la main et l'autre la mange. Ça ne compte des hommes sur sa femme de quelqu'un. Donc, il y a de l'argent. Avec son statut, nous avons convoqué la femme de quelqu'un. Vous parlez d'un homme interne. Alors qu'aujourd'hui, quand on a l'argent, on peut seulement faire la folie. C'est ce qui est aujourd'hui. Regardez ce que Jean lui dit. Mais il prend cas par cas. C'est un des péchés qu'il pourrait faire. Et si vous regardez, vous pouvez oublier dans l'enseignement. Ici, les riches doivent prendre cette conscience particulièrement pour le dire, pour comprendre ce que Dieu ne voulait dire par la vie des gens. Parce que si tu es riche, faites attention pour être dans la faites attention pour ces mais les riches, donc, qui ont l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Vous travaillez bien, du 1er jusqu'au 25, vous êtes en bon terme. Vers le 26, 27, le patron va accumuler le visage. Pour parler de la bien fait, il te tourne bien, vous êtes tous le patron, bonjour. Tu as l'âge d'abord, elle fait le vote, on va me dire, tu ne vas pas ton argent. Alors, vous avez l'association, le 15 minutes du mois, il se donne avec un bon moment, ça peut vous faire un jeu. Vous allez savoir que ça va attirer le chalon sur vous. Parce que les gars qui vont se désouvrir comme un nouveau champ. Donc, vous allez savoir que c'est frustré. Il ne crie pas, et tu vas le Seigneur des années. C'est la vie des gens, c'est qui nous a chanté 5. C'est ça, mes frères. Donc, les vrais, les gens qui ont de l'argent, les riches, devraient comprendre celui des gens. Allez là-bas pour prendre l'instruction. Dis, ok, le l'argent est de l'argent. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu ne châtes pas? Et nous continuons aussi. Verset 16. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait la nuit dans les yeux de la veuve, vous avez vu? Si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, vous avez vu? Il a parlé du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, des gens qui sont au milieu de nous, pour que Dieu nous châtie, ou bien nous meurent. C'est pour ça que dans ces questions de la veuve, on a dit heureux ceux qui sont ceux qui s'intéressent aux pauvres. Il a peur lui-même. Les pauvres choses par rapport aux veuves et aux orphelins. Dans Jean, parce que moi, je peux dire, verset 27, il dit que la religion pure et celle qui a demandé de Dieu du Père consiste à s'égarder les souris du monde pour être responsable des veuves et des orphelins, d'aller à l'affection et à s'égarder les souris du monde. Voilà la religion pure et sans tâche devant Dieu du Père. D'accord, ma chère soeur? D'accord, mes chers? Ok. Donc, il dit, si je mangeais seul mon pain, sans que l'orphelin en ait ou sa part, qu'est-ce qu'il doit me dire? Tu as ton père, tu manges l'orphelin à côté. Moi qui ai, dès ma jeunesse, élevé comme un père, moi qui, dès ma naissance, ai soutenu la peur, si j'ai vu le malheureux manquer des vêtements, l'indigent n'avoir pas de couverture, ça ne serait pas mis, mais béni. Soulignez ça. Sans qu'il ait été rejeté par la poisson de mes amis. Vous savez, si j'ai levé ma main contre mon sein, parce que je me sentais un appui dans les juges. Quand quelqu'un a de l'argent, tu peux avoir les juges qui disent que le pauvre va la mettre en prison. Une histoire fait ça. Tu peux avoir raison devant les hommes. Tu peux avoir ces choses-là, tu grandis devant les gens. On dit, moi, tiens, parce que le clan de l'île a la raison des juges, il n'y a pas de problème. Il y a un grand juge qui va juger nous, le juge. Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons offrir nos vies également pour les frères. Bien plus, la Bible nous dit clairement dans la vie des Galates que celui qui s'aimera pour sa chair, mangera de sa chair la corruption, mais celui qui aura s'aimé pour l'esprit, mangera de l'esprit la vie éternelle. Il dit que nous ne se moque pas de Dieu. C'est quand on aura s'aimé, il le mangera. Celui qui aura s'aimé pour la chair, mangera de la chair la corruption. Celui qui aura s'aimé pour l'esprit, mangera de l'esprit la vie éternelle. Jésus a dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il se met, je t'aime, je crains Dieu. Alors, celui qui craint, gardez ce commandement, puisque ce sont ces commandements. L'apôtre, dans cette institution qu'il donne à l'église, là, il dit que c'est que Dieu veut, c'est que des sanctifications. Ce que chacun de vous sache poser son corps à la sécurité, mais l'été, sans vous livrer, dans une mandatise passionnée, comme le font le calme, vous ne connaissez pas Dieu. C'est que chacun sache poser son corps à la sécurité, c'est que personne qui le trouve dans les affaires, car Dieu tire par toutes ces choses. Si quelqu'un rejette cette parole, cette princesse, il ne rejette pas un homme, il est Dieu. Vous avez ça? Ce sont des commandements, des présents. Dieu dit qu'on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. On dit, on croit Dieu. Je crois Dieu, je suis croyant. Concrétiste, donc on offre, on va les offrir à nos frères. C'est notre responsabilité de chercher ce que l'on fait sur nous. Dans la Bible, dans le livre, dans la chapitre 6, dans le verset 6 suivant, il dit, nous ne nous lassons pas de faire le bien. Vous avez vu cela? Nous ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons. Autant convenant, à condition que nous nous lassons de notre foi. Après, il dit clairement, on fait le bien à tous, et surtout aux frères dans la foi. Donc, ce n'est pas orienté seulement aux chrétiens. Faire le bien à tous, mais surtout, parce que le monde peut utiliser le bon usage pour avoir le bien. Mais les chrétiens doivent utiliser le bien pour avoir le droit de bien pour entreprendre les choses. Sinon, c'est une responsabilité de nous offrir. C'est notre responsabilité donc de venir en aide En fait, nous ne venons pas en règle pour leur bien. Juste ce commandement, nous donnons ça pour être en règle avec le Seigneur. Donc, nous sommes en bénédiction d'avoir le pauvre parmi nous afin que nous venions comme ça pour respecter le commandement de Dieu. Autrement dit, tu ne fais pas du bien aux pauvres, tu te fais toi-même du bien. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que, en donnant aux pauvres, tu vas mettre ta vie au pire presse. Tu dois lui dire merci d'avoir payé ce que je t'ai donné. Pourquoi? Parce qu'il est ta banque. Il est la source de bénédiction. Donc, le canal va être éliminé. C'est pas le cas. Donc, il faudra déjà dire que le pauvre a été avec le terrain. Il va accepter ton paquet. Mais la question de l'objet, on va se faire avec des lèvres. Ainsi, pas par là-bas. Mais ça n'est pas le tapis. C'est pas la bande. Ça, fais mes lignes d'avenir. Amen. Amen. Donnons nos femmes la construction du temple de Dieu. Son père, donnons nos femmes la construction du temple de Dieu. Regardons tous les mots, regardons les chrétiens. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Il dit que si vous avez les uns les autres, c'est ainsi qu'on saura que vous êtes mes disciples. Faisons cela pour moi. Pour moi, nous autres. Toi, tu es quoi? Je suis chrétien. C'est quoi? Je suis chrétien. J'ai dit, il faut passer à l'acte afin de plus d'attendre quelqu'un ou voir. Quand tu dis chrétien, que ça veut seulement donner la confirmation. J'ai dit, il est ouvert le païen, une conduite exemplaire. C'est ce que la Bible dit dans la Bible de Galates au chapitre 2 et chapitre 4. On a une conduite dans les deux. La Bible de Galates se comprend dans cette Bible d'Éphésiens chapitre 5, verset 11 et suivant. Il dit que ne peut pas poursuivre la conduite, mais qu'on comprenne quelle est la volonté du Seigneur. Comme est-ce qu'on ne soit pas comme des insensés, mais qu'on se conduit de façon humaine. Mon Dieu. Vous allez m'envoyer à quelque part maintenant. Donc, rachetons-le. Nous n'avons pas le temps de trouver l'amour. Nous n'avons pas le temps de trouver l'amour. Si nous aimons le Seigneur, cherchons le Seigneur dans ses enfants. Si nous aimons le Seigneur, cherchons le Seigneur dans ses enfants. Ses enfants qui souffrent, les orphelins, qui est le Père, les orphelins, le défenseur des veuves. La Bible dit que c'est Dieu dans son Saint-Âme. Alors, si les gens souffrent, comme Jean va dire, et que nous en détournons en disant que nous ne savons pas qu'un souvenir, la Bible dit que ceux qui perdent le cœur ne pensent pas. Souvent, nous sommes dans le 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel. Il est bien rendu selon son nom. Ce qui est écrit, frère, c'est ici lorsqu'on a quelque chose devant nous, c'est notre matériel. C'est ici donc qu'on va regarder si oui ou non, dans le trésor est caché. Tu vas tester, donc tester votre cœur, tester votre foi, tester le cœur. Où est-ce que le matériel est là? Et si ça est en bas, mais quand j'étais en train de venir, ça va prendre pourquoi tous les enfants à la fin de l'année. Est-ce que tu es sûr que maintenant tu peux prendre sa voix et faire qu'ils sont pris des fausses couleurs? Vous avez un frère d'après tel autre frère dit que ah, c'est un tas de choses. Que tu fais après, dit que frère, comment tu vas y aller? Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Or, il l'appelle comme ça, c'est un frère qui a besoin d'appeler le frère qui peut pouvoir. Il y a un problème sérieux. Il y a les moyens, les moyens vont mettre les enfants dans le monde du monde. Il laisse vraiment prier le Seigneur pour moi. C'est ce que la Bible nous dit clairement. Que cette femme a dit qu'il est dans le besoin. Et que toi, tu sais, tu dis que va prier. Tu vas passer par ici, il est déposé dehors, le problème. Après, il dit que non. Après, je fais une petite prière. Père, c'est toi qui pouvoir. Tu fais le lien pour sa prière. C'est l'hypocrisie. Il vient de faire la demande clairement que son enfant va être mis dehors. Il n'a pas de peur. Tu dois passer à la. La Bible dit que si quelqu'un possède les biens de son homme, et que voyant son frère dans l'eau, il tombe dans le feu. Son frère de la maison. Quelle qu'en soit la prière qu'elle donne de lui, ça ne marche pas. Il faut qu'il passe en l'acte. Dieu va faire verser des rayons sur le sol comme ça que moi, oui, ramasse la main. Dieu va passer par toi. Et il a bien sorti. C'est ça que ça va pouvoir sortir. Mon frère, même. Donnez-moi de son frère pour le temple. Frère d'homme de Dieu, bonne soirée. T'as une question là. Par quoi ça? Oui. Ok. Par quoi ça? Oui. Tu sais, on va faire de quelqu'un qui est sur la saison de frère. Et que non, à chaque fois, si tu es dans le prison, il faut toujours. Les mots ne lassent pas de faire le bien. Les mots ne lassent pas de faire le bien. Car nous, on va se voir autant que nous avons fait le bien. C'est la seule chose. Et je vous dis quelque chose. Quand j'étais en Norvège, il n'y avait pas d'argent. Quand ils donnaient du coup, souvent, là, on me donnait un peu de l'argent. C'est bien, c'est les garçons qui ne voient pas. Vous savez, bonjour, maintenant. Ma femme avait acheté une godasse là, une godasse bien là. Elle a commencé à jouer, ma femme me connaissait, ça fait un moment de jouer des chaînes. On a commencé à jouer, c'est comme ça qu'elle les a pas joué avec les marouches. Je dis vous tous venez là, il est venu une godasse là-bas. La femme m'a dit, ne commence pas. Il est venu une godasse là-bas, il dit, celui qui mesure ses audaces. Si ça lui suffit, il part avec. Si chacun vient, vous avez un petit pied. Vous avez un petit avec le pied. Il faut une force pour les autres. Si ça fait du bon, vous avez un petit pied. Vous pas jouer avec. Vous comprenez ce que vous dites. Ils ont mesuré, c'est ce que quelqu'un a mesuré, pense à ce pays, c'est à quoi. C'est ce qui est arrivé. Il a pris le bon avant, il est arrivé à Simaou, déjà, ça soit qu'on voit le match là. Il part, il met dans derrière. Il part, le bon, il met dans derrière. Moi, s'il me dit, bon, après, il part, même il est en train de derrière, il est en train de le bon, parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. Il part le goudas, après, il vit le bon, il est le grand frère. Vous donnez le goudas, lui, c'est la personne, lui, il dit, vous donnez le goudas comme ça. Il arrive à l'Europe. Alors, quand d'autres personnes qui ont joué comme ça, la personne, il voit comment je me comporter. Il a fait le. Ça lui montait des choses pour pouvoir mentir. Quand il vient, il parlait. Il ne sait pas qui est devant lui. Il ne sait pas qu'il a le discernement, c'est lui pour nous. Il avait dit la vérité. Il disait enfin qu'il a été menti. Il dit, mon père a dit, envoie la lune de moi, toi, je suis allé prendre l'accident, si c'est perdu. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, mais il te faut combien? 15 000. Il dit, bien, je vais prendre 15 000. Je donne 15 000. C'est lui qui me donne, il a fui. Vous avez vu comment ça se passe les examens. Quand tu as fait le verre, quand on voit le verre, les autres, il en a le verre en bouche. C'est pour prendre ton histoire. Tu dis, quelqu'un qui vient chaque fois te demander, je fais bien, mais il dit, continue. On dit, pourquoi tu fais ces choses sachant que c'est le maçon qui a été fait? Non, ce n'est pas moi qui manque, il manque Dieu. C'est à Dieu qui va résoudre le problème, ce n'est pas moi. Tant que j'ai la possibilité, je donne. Et quand vous êtes 15 ou 20, il vient, comment tu vas? Et j'ai plus besoin de 1000 fois. J'ai 1000 fois, oui, je te donne. Ce n'est pas pour moi, je suis un transitaire. Dieu me donne, tu me donnes, Dieu me donne, je te donne. Et j'ai toujours donné, ça n'est jamais manqué de pas manger. Je donne. C'est lui qui a dit, il a dit d'embraser le jour qui comprend l'évangile. Quand il a un coin, on dit que là, il faut restituer. Il aura des problèmes. C'est la restitution, on va restituer. Tu vas rester à présent, mais ça te dit non. Pour restituer plus un, c'est bien. Tu veux que ça arrive, tu ne peux pas faire. Alors non, c'est ça. Donc si tu me manques, c'est ton problème. Il dit, tu me manques, il reste une photo, mais c'est que c'est le mensonge que tu dis. Mais dis-moi, c'est le mensonge. Je te laisse à nouveau. Le jour que tu comprendras. Si tu ne veux pas, tu vas, parce que je ne veux pas que la photo soit de mon côté. Et tu veux que tu me.